Cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Akhadna fi darsina al-sabiq ma yata'allaq bi manhaj al-salaf radiyallahu anhum fi al-sifat. فقال شيخ الإسلام في اللامية وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. Donc c'est quoi le résumé de مذهب السلف في الصفات؟ أحسنت. يقول وبعض أهل العلم يغزم هذه العقيدة في هذه الجملة أن السلف يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هكذا قالوا. ما معنى هذه الجملة؟ إثبات بلا تمثيل. تفضل. ها. Donc tout suite, en Allah, Azza wa Jalla, il a des صفات, lakin elle ne ressemble pas à celle des créatures. Fahad al-Bab, l'ulama, il l'appelle comment? On doit se limiter au texte. Hein? Tawqifi. Hahad al-Bab, il est tawqifi. Aïe, nous suite ma athbatahu Allah Azza wa Jalla nafsi. Ou Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, fi sunna sahiha. فهذا هو الإثبات. فالسلف يثبتون أي سي dans le Coran et dans le Sunnah il y a un nom d'Allah عز وجل أو une صفة un attribut فيثبتونها فيقولون مثلا الله سبحانه وتعالى ينزل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا في آخر أو في ثلث الليل الأخير حديث أبي هريرة في الصحيح. لما كذلك قال عز وجل بل يداه مبسوطتان الوجه ويبقى ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام beaucoup d'autres الصفات. المهم si un texte صحيح نثبت هذا الإثبات يكون بلا تمثيل. ما الدليل على هذا؟ أحسنت. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. Donc نثبت ولا نمثل. Dans ce verset كذلك il y a un دليل على الإثبات عند من؟ أحسنت. وهو السميع البصير قال عز وجل. فنفى المثلية عز وجل ليس كمثله شيء. Rien qui lui ressemble. وهو السميع البصير. إثبات. إثبات ماذا dans ce verset؟ صفات ماذا؟ والبصر السمع والبصر مع أن si tu réfléchis si tu médites كما قلنا وكما يقول بعض أهل العلم أن beaucoup de créatures ils ont la vue et l'ouïe فمثلا نحن on voit et on entend فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هاتين الصفتين السمع والبصر لكن عقيدة أهل السنة comme c'est cité في القرآن الكريم ça implique pas المثل. C'est pour ça qu'Allah عز وجل نفى التمثيل أولا ثم أثبت ليس كمثله شيء. Il n'y a rien qui ressemble à Allah وهو السميع البصير. إثبات. Donc نحن notre عقيدة elle est fondée sur ce verset. Ce verset c'est une règle في الأسماء والصفات. إثبات بلا تمثيل. أما أهل البدع qu'est-ce qu'ils ont fait في هذا الباب؟ Et ils se sont tous égarés par rapport à ce point. فماذا فعلوا؟ ها؟ ها بالعربية. مثل الله. بالمخلوقات. فquand ils ont raisonné هكذا ils ont délaissé les textes لأنهم سد الضلال. Que ce soit الأشاعرة, que ce soit الكلابية, que ce soit الجهمية, que ce soit المعتزلة, que ce soit المفوضة, que ce soit المشبهة. جميع هؤلاء ils ont délaissé les textes. Pourquoi? لأن أولا ils ont fait du تمثيل. S'ils entendent un sunni qui leur affirme, qui dit « Allah, il a deux mains », automatiquement, Abdullah, ils comprennent, tu dis que Allah il a des mains comme ses mains à lui. Alors que hada c'est batil. Nous, on n'a jamais dit qu'Allah il a des mains comme les mains des créatures là. On a dit Allah il a des mains et ses mains ne ressemblent pas aux créatures. Qu'est-ce qui s'est passé à Ahlul Bid'a quand ils ont fait du tamthil? Indamel. Ça impliquait de l'égarement là. Chaque groupe il s'est égaré par rapport à ce hawa. Indamel. Tantal. Awalan, i'taqadu at-tamthil. Ils ont pensé que si tu dis qu'Allah il a sept attributs, tu le fais forcément ressembler à la créature. Tamam. Tamam. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils n'ont pas fait du tamthil, forcément. Mada fa'alou? Certains ont rejeté. Ahsant ba'dhum 'attal. Pourquoi? Mais ils ont peur de faire, ils ont eu peur de faire du tamthil. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Allah il a pas de main, mathalan. Al-Jahmiyya ou al-Mu'tazila كذلك. بعضهم ماذا فعلوا عندك احسنت بعضهم مثل ils ont dit Allah il a des mains bal yadahu mabsutatan, donc c'est comme les mains des créatures. Les mains d'Aliana, pour lui les mains c'est forcément des mains des créatures. Iyadam billah. Un autre groupe, qu'est-ce qu'ils ont fait? يقولون ان لا نعرف المعنى. احسنت ما اسمهم أحسنت المفوضة. Ils ont dit Allah il a des mains, laquelle nous on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi des mains. Quand cet attribut il est yudaf ila Allah, il est attribué à Allah Azza wa Jal, fatawakafu. Ils ont dit Allahu a'lam, on ne sait pas. Ils se sont égarés. Il y en a le Coran, il est en langue arabe, et salaf ils ont dit anna les attributs ils sont connus par rapport à la langue arabe. الاستواء معلوم قال الامام مالك رحمه الله عليه. Ils se sont égarés. En fait, ils ont rejeté les mains. Ils ont rejeté, ils n'ont pas cru que Allah il a des mains, des vraies mains, Azza wa Jal, qui ressemblent pas aux créatures, bien sûr. Un autre groupe, ماذا فعلوا? Et c'est le groupe le plus dangereux. عندما تحرف احسنت حرفوا الاشاعره والماتريديه والكلابيه. Tous ces groupes qui se ressemblent, on les appelle nahnu umuman al-ash'ira wa illa bi'idhnillah azza wa jalla. Dans d'autres livres vous verrez que il y a une différence entre certains groupes, lakin ils se rassemblent tous autour du tahrif. Fa ma dha qalu? Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport aux sifa? Matalan al-wajh wa an-nuzul. Ma dha qalu? Matalan al-yad. Ah? Yaqul yani wadiqu. Ahsan. Ils ont dit na'am Allah il a des mains. Lian Allah azza wa jalla il a dit dans le Coran qu'il a des mains. Bal yadahu mabsutatan. Allah il a deux mains, yadan muthanna, c'est la dualité, il y en a deux. Ils ont dit na'am, le Coran il est clair. Lakin ils ont dit c'est pas des mains comme vous pensez antum. Allah il a dit des mains, mais il a voulu dire par là la force ou la capacité, et tout ça c'est de l'égarement. Si on interprète les deux mains par la force, ça veut dire qu'Allah il a deux forces. Ah, ou la capacité, Allah il est capable de deux choses, il a deux capacités. Là, Allah il est capable de tout. Allah c'est le Qawi, c'est l'Aziz, il est à la kulli shay'in qadir. Fahada at-tafsir, bal at-tahrif, il est batil min wujuh. Et inshaAllah ta'ala, on le verra dans certains cours et on l'a vu. Ma'a ba'd al-ikhwan fi al-lum'a et fi al-qa'id al-mutla et dans beaucoup de livres. Walillahi alhamd. Fahada ithbatun bila tamthil. C'est ça, aqidatu s-salaf. Donc, on affirme que Allah il a des noms et des attributs, lakin en aucun cas on fait ressembler. Et fait le haqiqa, hatta la raison, elle contredit pas hada. Les êtres humains entre eux ne sont pas pareils. Est-ce que la force d'un lion c'est comme la force d'un être humain? Est-ce que la force d'un être humain c'est comme la force d'une mouche? Là, pourtant c'est des créatures. Et ils ont tous l'attribut, la force. قوة الإبل قوة الإنسان قوة الأسد. Ils ont tous la force. Est-ce que c'est les mêmes là? Hada il est capable de transporter une certaine charge. Maintenant l'être humain il est capable de porter une charge de 20, 30, 40, 50 kilos. Le chameau beaucoup plus. Donc c'est pas forcément la même chose. فما بالك برب العالمين. C'est le قوي. قوة الله عز وجل elle est mutlaqa, il est capable de tout. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. Subhanahu wa ta'ala. Hada, c'est la première partie. Ithbatun bila tamthil. Donc, sunni yuthbit. Il dit, anna Allah azza wa jal, c'est l'aziz. Il a sifatul izza. C'est le qadir, il a sifatul qudra. C'est l'alim, il a sifatul ilm. il a sifat kadhalik les mains, le visage, les doigts. Azza wa Jal bal qala sallallahu alayhi wa sallam qulub bani adam bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Et beaucoup d'autres sifat. Al muhim nuthbit sans faire de tamthil. Hada al ithbat c'est par rapport au texte, kitabun wa sunnah. Al Quran, il y a aucun problème. Il est tout sahih. Et al sunnah, bien sûr, il faut que le hadith il soit thabit an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Que ça soit ahad ou tawatur, comme on a vu, al-muhim il est thabit. Les rapporteurs de confiance nous l'ont rapporté, on l'accepte. Deuxième partie, tanzihun bila ta'til. Ma ma'na hada? Tfaddal. On arrête le mythe, mais là on arrête le sifat. Prends l'exemple du visage. C'est une sifat. Une sifat illa azza wa jal. Tanzihun bila ta'til. On ne connaît pas le kayfiyya. Kadhalik, une deuxième chose qu'on ne doit pas faire. On ne le fait pas ressembler au visage des créatures. Hada tanzihun. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ces créatures. Il ne peut pas ressembler aux créatures. Azza wa jalla. Abadan. Pourquoi? Parce qu'Allah, il est parfait. Les créatures, elles ont des faiblesses. C'est incomparable. Donc, tanzihun bila ta'til. Lakin, si on dit qu'on ne connaît pas le comment, et Allah, il ne ressemble pas aux créatures, ça ne veut pas dire qu'on nie al-wajh. Tanzihun bila ta'til. On dit Allah, il ne ressemble pas aux créatures, lakin, il a un visage. Tanzihun bila ta'til. Al-mubtadi'a, al-dullal, que ce soit l'asha'ira ou autre, ils ont fait du tanzih. Ils ont dit Allah, il ne ressemble pas aux créatures. Donc, il n'a pas de visage. Pourquoi l'être humain, il a un visage? Nahnu la. On dit l'être humain, il a un visage. Allah, il a un visage et ce n'est pas les mêmes visages. Allah, ses attributs sont parfaits et l'être humain, il a des faiblesses d'être humain. C'est ça, mu'taqad al-salaf fil ijmal fi bab al-sifat. Ithbathun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Kathir min ahl al-ilm, ils expliquent ce mu'taqad avec cette jumla ou autre. Al-muhim, c'est la compréhension. Et on a lu la parole, walillahi alhamd, de Cheikh l'Islam de Taymiyyah, de l'imam Ibn Abdelbar rahmatullah alayhi et d'autres. Inch'Allah, on a insisté sur ce point, l'anna, c'est important. Toute l'étude que tu vas faire bi'idnillahi jalla wa ala dans l'aqida fil asma'i wa sifat, ça sera fondé sur ce mu'taqad. L'anna fil lum'a mathalan, lum'at l'i'tiqad ou l'wasitiyya ou l'tahawiyya, tous ces livres, ou l'hamawiyya, tous ces livres, ils citent des sifat, al-mu'allif. Madalan Cheikh l'Islam, il dit wa min sifat illahi azza wa jal al-wajh. والدليل قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Si tu as ce mu'taqad ولله الحمد, tu sauras comment comprendre tous ces textes. Sifat al-wajh, le délit, et t'appliques la règle. Tu dis qu'Allah il a un visage, l'anna Cheikh l'Islam il a cité un délit, et ça ne veut pas dire que ça ressemble aux créatures, abadan, bal Allah il ne ressemble pas aux créatures. Et كذلك تنزه الله عز وجل من النقائص والعيوب والمثل etc. Et tu dis qu'Allah il ne ressemble pas aux créatures. Tout ça en affirmant l'attribut. C'est ça, mu'taqad al-salaf. Et c'est muhim, lianna kathir minan nas inharafu fi hadha al-bab. Imma ils ont exagéré qu'al mushabbiha, ils ont dit Allah il ressemble aux créatures. Imma ils se sont égarés, ils ont tout renié comme Jahmiya. Imma al-mu'tazila, ils ont accepté les noms, ils ont renié les attributs. Imma al-asha'ira, ils ont essayé de contrer ha'oula lakin avec leur passion et ils ont fait du tahrif. Walillahi alhamd, ahl al-sunnah, ils sont ala al-haq fi hadha wa fi ghayrih. تفضلوا من يقرا avant qu'on commence le bait suivant. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب السهابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قلقون ما والضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياتهم فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات صفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد رحمتها إلى نقلها وأصونها عن كل ما يتخيم قبها لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل أحسنت إن شاء الله نأخذ On expliquera le dernier bayt que tu as récité. قال الإمام شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. Après avoir démontré عقيدة السلف في الصفات رحمة الله عليه الآن يرد أو يدمونتر l'égarement de ceux qui délaissent le Coran ou le Sunna. Et ils prennent comme argument Qawl al-Akhtal. Al-Akhtal, on va voir, c'est un Nasrani, c'est un chrétien. Et hada c'est min al-dhalal. Délaisser les textes pour prendre l'avis d'une personne. Qubhan liman nabad al-Qur'an wa ra'ahu. Lian Allah azza wa jal amarana bittiba' al-Qur'an wa sunna, la bittiba' al-rijal. Allah nous a ordonné de suivre al-Qur'an wa sunna. قال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Donc c'est ça le wajib علينا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas ordonné de suivre un tel min al-nas. La personne, si on la suit et on la respecte et on l'aime, c'est par rapport à son suivi des textes. C'est pour ça qu'on aime les savants de la sunna. C'est pour ça qu'on aime chaque sunni. Limadha li'annahu, lui-même, il veut suivre le Coran et le sunna. Lakin, est-ce que cette personne, elle est infaillible? Là, c'est pour ça que anta ton manhaj da'iman, c'est de suivre les textes. Khas satan quand il y a une divergence baina ahl al-ilm. Khas satan dans ce genre de sujet, fussivat, annahu il y a une divergence avec ahl al-bida'i wal ahwa. Tu t'accroches au texte, bien sûr avec la compréhension de ahl al-ilm. Il y en a ces textes, le Coran ou le Sunna, tu ne pourras pas les comprendre, Akhil Karim, qu'en revenant à Ahl al-Ilm, au savant de la Sunna. Lakin bidoun ta'assub. Ahyanan, il y a une divergence entre deux savants de la Sunna. Cheikh Ibn Baz, mathalan, rahmatullah alayhi, il a un qawl. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a un qawl. La ta'assub. Sois objectif, cherche le haqq. Cherche le haqq, l'anna, suivre le rijal et délaisser le haqq, c'est très grave. Même si tu suis un savant. Léana, si tu suis ce savant, la yagurra ka shaytan, anna ka t'as suivi un savant, n'am, t'as suivi ce savant, lakin t'as délaissé al-Rasoul, alayhi salatu wassalam. Léhada, da'iman, tu cherches la vérité. Et si la divergence, elle est entre savants de la sunna, tu respectes l'autre et tu l'aimes, fillah. Lakin, ça ne veut pas dire que si on aime un savant, tu dois suivre dans tout. C'est impossible. Léhada, les savants, ils ont divergé. Qaddir mathalan wahid il veut suivre Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Albani dans tout. C'est impossible, il ne pourra pas. Léana Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Albani, eux-mêmes ils ont divergé. Donc tu seras obligé de faire un choix. Ce choix, fais-le bi'ilm. Fais-le pas bil-hawa. Fais-le pas pour satisfaire un tel. Fais-le pas parce que tout le monde suit ce qawl, je suis là. Al-ikhlas, c'est muhim. Ta'ammal al-asha'ira ad-dullal, comme ils se sont égarés, li'annahum ils donnaient pas de l'importance au texte. Ils sont arrivés à un niveau, annahum ils ont délaissé des versets du Coran Karim, clair, et des hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, et ils ont pris qawl al-akhtal, un nasrani, un chrétien. A'iyadun billah. Fi a'azam al-ulum, al-sufat. Qala Cheikh Mohammed, hafidahullahu ta'ala, ashara Cheikh al-Islam fi hadha al-bayt, ila al-radd ala al-asha'ira, wa man naha nahwahum. وقد استدلوا بقول الأخطل وهو الشاعر النصراني في موضعين. وهذا من العجائب ونسأل الله عز وجل السلام والعافية. Prendre comme argument un vers de poésie d'un chrétien. في الصفات الله عز وجل. Ce chrétien, أنه, si c'est un chrétien, il est mort على ذلك, فإلى مور على الشرك بالله, أشرك مع الله عز وجل. Il a eu cette conviction qu'Allah il a un enfant. Iyadam billah, kufr al-Nasara, il est connu. On n'a pas besoin de détails, il est wadih. Comment prendre comme argument sa parole? Et délaisser kalam Rabbil Alamin. Et délaisser kalam afdal al-khalq, alayhi salatu wassalam, notre prophète, Muhammad, alayhi salatu wassalam. Kadhalik délaisser manhaj salaf al-umma. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayrul nas, khayrul qurun, ou khayrul nas, qarni, thumma ladina yalounahum. Délaisser tout ça et prendre qawl hada al-Nasrani. Et Al-Asha'ira, ils ont pris le qawl de l'Akhtal dans deux points, deux sujets. Al-Awwal, qala al-mawdi' al-Awwal, fi tahrifihim istawa. Faqalu ma'na istawla, wa istadallu bi qawl al-Akhtal, qad istawa bishrun ala al-Iraqi, من غير سيف أو دم مهراق. Ça, c'est le premier point. Al-Asha'ira, on ne détaillera pas. Lakin, là, on cite un aperçu. Annahum, ils se sont égarés fi bab al-sifat. Khasatan al-sifat al-fi'liya. Fasifat al-istiwa thabitatun bil-Qur'an wa bil-sunnah wa bil-ijma' ijma' al-salaf. أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى ويقصير كلير أن الرحمن الله على عرش استوى ومن معاني الاستواء العلو الارتفاع أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de son trône عز وجل الكيفية الله أعلم بها on connaît pas الكيفية الله nous a informé de cette صفة et on connaît le معنى أن الله il est au-dessus de son trône الأشاعرة عياذا بالله ils ont renié هذا ils ont démenti ils ont dit là si tu dis qu'Allah il est au-dessus c'est-à-dire qu'il est dans un endroit tout ce qu'elle aime faire ils ont délaissé les textes et madhab al-salaf et ils ont fonctionné avec la raison et pour appuyer leur égarement ils ont cherché un texte qui démontre que l'istiwa ça peut être un autre sens que al-ulu ou al-irtiva istawa enfin ils ont trouvé هذا البيت قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق أي استوى هنا بمعنى استولى استولى ça veut dire conquérir une chose prendre le dessus sur une chose فمثلا dans ce vers de poésie بشر c'est un homme استوى على العراق أي il a envahi il a conquéri العراق من غير سيف أو دم مهراق أي sans combattre السيف c'est l'épée et sans utiliser l'épée sans combattre et sans faire couler de sang المهم أن الاستواء c'est بمعنى استولى c'est ça qu'ils ont voulu dire à l'Asha'ir et ils se sont appuyés sur ce vers de poésie de ce chrétien alors que إجمعوا السلف أن الاستواء c'est pas بمعنى استولى الاستواء الرحمن على العرش استوى إجمع السلف أنه c'est بمعنى العلو والارتفاع Certains imams, ils ont rajouté à l'istiqrar, fihi khilaf, comme il a démontré l'imam al-Dhahabi, al-Ulu, le Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a détaillé fi mukhtasar al-Ulu, anna wa'ad ulama, ils ont rajouté une ma'na à l'istiqrar, et ça c'est un sujet qu'on détaillera pas l'un, lakin al-muhim, anna al-Ulu wa l'irtifa', ils sont unanimes, et ils n'ont pas cité l'istawla. Qala, al-an, on lit la réplique, si vous avez compris ce bref aperçu, on lit la réplique ala ha'oula. Wa qad radda alayhim ahlu sunnati fi tahrifihim hadha bi ajwiba. Ay, ils ont harraf madha bi madha? C'est quoi le tahrif qu'ils ont fait l'an? Inda man? C'est quoi le tahrif l'an? C'est quel sifa qu'ils ont harraf? Ils ont harraf bi madha? Tadda. Ils ont harraf sifat? La. Al-istiwa. Et min ma'ani l'istiwa, c'est l'ulu ou l'irdiva. Lakin, l'sifa, c'est l'istiwa. Et l'ulu, c'est une sifa min sifatillah azza wa jalla. Lakin, nahnu l'an, on est fait l'istiwa. Ar-Rahmanu ala l'arsh istawa. Donc, ils ont harraf sifat l'istiwa, bimada? Istawla. Istiwa. Le vrai sens, c'est ulu, c'est s'élever, être au-dessus. Istawla, c'est conquérir, prendre une chose. Fata'ammal, comment ils ont déformé al-ma'na. Qala. الآن لي لردود إلى السيتي إلى السيتي سانكو إن شاء الله قال ابن الأعرابي لا تعرف العرب ذلك يعني أن استوى بمعنى استولى ابن الأعرابي يقول أن العرب لزغب يكونس با سو سنس في الاستواء استولى ça montre que la langue arabe ou plutôt expliquer استوى par استولى ça fait pas partie de la langue arabe هذا أولا ثانيا أن تفسير استوى باستولى يلزم منه أن يكون لله مضاد ثم استولى عليه بقهر منه وهذا منتف عن الله عز وجل ce point il est important استولى ça veut dire ماذا si on prend l'exemple du vers de poésie ça veut dire que بشر هذا il a conquéri l'Irak pourquoi لأن l'Irak c'était un autre qui gouvernait donc il a fallu un combat nizar hatta bishr il récupère son mulk si on traduit istawa par istawla ça veut dire que une créature elle peut prendre quelque chose à Allah azza wa jalla donc Allah si on applique istawa istawla donc Allah il a conquéré cette chose après ne pas l'avoir eu et ça c'est très grave li'anna Allah il est capable de tout il possède tout Personne ne peut rien prendre à Allah Azza wa Jal. Allah, إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون. تأملوا comment ils ont, comment يطعنون في رب العالمين في الحقيقة. Même si ce n'est pas directement à cause de leur ta'wil, لكن هذا اللازم, il est très grave. Et leur قول, l'implication de leur parole, elle est très très grave. ثالثا, أن الاستيلاء. استيلاء, c'est استولى. Ce qu'on a expliqué في استولى. ليس خاصا بالعرش, بل على جميع ملكه. Si on dit que istawla, ça veut dire prendre le dessus, comme ils ont dit, ou conquérir, ou posséder une chose, est-ce que c'est khas bil arsh? Là, c'est pourquoi? Pour tout. Allah, il est capable de tout, il fait ce qu'il veut, il possède tout. Lakin Allah Azza wa Jalla dans le verset ma daqal, dans le verset l'istiwa ma daqal, ala l'arsh, ça te montre que c'est pas bima'na istawla. Léna, ça serait bima'na istawla, il n'y aurait aucun besoin de khassas istawa bil arsh. Il n'y a aucun sens. Lian Allah, staoula, si on dit comme ils ont dit staoula, ala l'arche, ou ala l'sama, ou ala l'ard, ou ala jami'u makhlouqat. Ça te montre que ce tarsis bil arsh, c'est un fi'l que Allah il a fait, fauq l'arsh. Ay, istawa ala l'arsh, ay, c'est, Allah il s'est élevé, irtafa'a ala l'arsh. Qala, rabi'an, quatrièmement, anna l'istila, ya'ti ba'd adam tamakkun wa qudra, wa adam saytara. والله لم يزل ولا يزال هو المسيطر والمهيمن الغالب القاهر. هذا في الحقيقة نحن لا expliqué كذلك dans le deuxième, ça ressemble au deuxième point. أن استولى, c'est récupérer une chose que tu n'as plus. Donc ça montre qu'à ce moment, si on dit comme ils ont dit هؤلاء الضلال عياذا بالله, c'est qu'à ce moment Allah il possédait plus l'arche عياذا بالله, et il l'a eu après, et après une conquête. Et هذا ce قول, comme vous voyez, il est très très grave. Et Adam, on l'a expliqué dans le deuxième point. Cinquièmement, qila, inna al-bayt. Al-bayt, c'est un vers de poésie. Muharrafun wa sawabuhu bishrun qad istawla ala al-iraqi. Et ça, c'est pas ba'id an ahli al-bida'i wa al-dhalal. Lianna ba'duhum yaqul. Et certains, ils ont fait des recherches approfondies. Certains muhaqqiq, quand ils expliquent des livres qui a ce bayt, ils ont fait des recherches et ils se sont aperçus que, ils ont vérifié fi diwan al-akhtal. Diwan, c'est un recueil de poésie. Et ils se sont aperçus qu'il n'y a pas ce vers avec ce mot, istawa. Ben, ils ont trouvé que Bishr, il a dit, qad istawla Bishrun. Il n'y a plus aucun problème. Qad istawla Bishrun ala al-Iraqi, ça c'est clair. Annahu, il a conquis l'Irak sans se battre, sans verser de sang, ça, il n'y a aucun problème par rapport à la langue arabe. Lakin, si on dit qad istawa, là, ça ne va pas. Lian istawa, tu ne peux pas l'expliquer par istawla. Donc, ce n'est pas ba'id que ha'oula al-mubtadi'a, ils ont déformé le vers de ce chrétien. Et à la kulli hal, que l'akhtal, il a dit ou il n'a pas dit, c'est un nusrani. Nous, on n'a pas besoin de son qawl. Nous, on a le kitab ou le sunnah. Lakin, pour vous montrer, anna, leur argument, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, abadan. قال انظر مختصر السواعق السواعق المرسلة لابن القيم رحمة الله عليه ولكن هذا c'est le مختصر أما السواعق il a été une partie du livre elle a été perdue ils l'ont imprimé mais ils n'ont pas trouvé la fin إلى الآن والله أعلم لكن un grand imam نسيت اسمه il a fait le مختصر il l'a résumé en 4 ou 5 volumes ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام لتيمية ça c'est donc le premier point que Al-Ash'ira, ils ont utilisé la parole de l'Akhtal. Pourquoi on détaille, on lit tout ça, les Al-Ash'ira l'Islam dans l'Amiya, قال, وَإِذَا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ الْأَخْطَلُ. Et leur délil, c'est قَالَ الْأَخْطَلُ. Ils l'ont pris dans deux sujets, Al-Istiwa, et le deuxième, قال, وَالْمَوْضِعَ الثَّانِ اسْتِدْلَلُهُمْ عَلَى أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ مَعْنَى قَائِمٌ بِالنَّفْسِ وَلَيْسَ هُوَ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ وَذَلِكَ بِقَوْلِ الْأَخْطَلِ. Et ça, كذلك ça fait partie des égarements de l'Ash'ira. Annahum ils disent que al-kalam, kalam Allah azza wa jal, al-thabit fi al-Qur'an et fi al-Sunnah, comme قال عز وجل, "Wa in istajaraka ahadun min al-mushrikin fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Ils ont dit que al-kalam c'est pas kalam bi harf wa sawt, c'est pas un kalam en langue arabe avec des lettres, un son que tu peux entendre là. Pour eux le kalam c'est comme قال القائم بالذات معنى قائم بالنفس قائم بالنفس أما le son et les lettres et les versets que tu entends du Coran pour eux c'est pas la parole d'Allah عز وجل là c'est une créature qui démontre la parole d'Allah qui n'est pas créée ça c'est l'égarement des Ash'ira et inshallah ces détails كذلك c'est dans les prochains livres المهم أنهم إذن utilisé pour appuyer cet égarement قول الأخطل قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما donc le كلام c'est dans le cœur لكن ce que t'entends le son et les lettres جعل اللسان على الفؤاد دليلا أي la langue elle montre فقط ce qu'il y a dans le cœur le كلام donc ils ont dit le كلام d'Allah عز وجل c'est في ذات الله. C'est pas le son, les lettres que tu lis dans le Coran, le son que tu entends, Moussa ce qu'il a entendu, alayhi salam, quand Allah lui a parlé. Pour eux, tout ça, c'est une créature. Iyadam billah. Wa qad radda alayhim ahl sunnah bi ajwiba. Ahl sunnah, ils ont répondu à cet égarement kadhalik, à cet argument. Awwalan qad qila inna hadha al-bayt masnou' mansoub ila al-akhtal wa laysa huwa fi diwan. Premièrement, ba'dhum disent que al-akhtal il a jamais dit hadha. Et nous, on répète qu'il ait dit هذا ou il n'a pas dit Al-Hujjal fi al-Kitab ou fi al-Sunnah. Thaniyan, wa qila innama qal inna al-bayan la fi al-fu'adi, wa hada laysa fihi ma yusa'id madhhabuhum. Amma si al-bayt al-sahih c'est inna al-bayan la fi al-fu'ad, ils ont déformé kalam, bayan ils l'ont remplacé par kalam. Amma si c'est l'afd al-bayan, il n'y a aucun problème. Al-bayan fi al-qalb, il n'y a aucun problème. ثالثاً على تقدير صحته أي si on dit que الأخطل il a vraiment dit هذا فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ظلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس الكلمة et ça c'est un رد قوي. Comment tu vas prendre la parole d'un chrétien alors que les chrétiens eux-mêmes ils disent que la parole d'Allah c'est Isa alors que Isa c'est une créature, c'est un messager d'Allah عز وجل. Eux ils disent que c'est la parole d'Allah عز وجل. بل يديس كسل فيس دالله كومون تو فابروند كوم ارغومون من يقول هذا قال افيستدل بقول نصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام من لغه العرب est-ce qu'on va prendre comme argument la parole d'un chrétien alors qu'il s'est égaré في صفات الكلام et autres et on va délaisser la langue arabe et les textes bien sûr du Coran et de la Sunna quatrièmement يلزم من قولهم ان الاخرس يعتبر متكلما هذا سارد قوي كذلك لأنهم eux ils disent que la parole c'est dans le cœur هكذا si tu veux résumer madhhab al-ash'ari pour eux la parole ça peut être dans le cœur أما في الله عز وجل ils disent pas cœur في الله عز وجل ils disent Allah il a l'attribut de la parole أي القائم بالنفس أي المهم c'est pas son et lettre il n'y a pas de son et de lettre pour eux ça implique ماذا ça implique que l'akhras l'akhras c'est le muet c'est un mutakallim si on dit que la parole c'est dans le cœur pour l'être humain donc si on a une personne qui est muette on peut dire il est mutakallim personne n'acceptera هذا لماذا لأن الكلام c'est un son et des lettres لكن أهل البدع يتناقضون toujours tu trouveras المبتدع il se contredira دائما فتأمل الآن cette contradiction comment dire qu'un muet il parle c'est deux choses qui se contredisent cinquièmement يلزم من قولهم أن من حدث نفسه في الصلاة فصلاته باطلة Qui c'est qui explique هذا أن من حدث نفسه في الصلاة فصلاته باطلة عند من تفضل الصلاة elle est باطلة لماذا الصلاة il y a le takbir il y a لا شيء آخر أن من حدث نفسه في الصلاة فصلاته باطلة. celui qui حدث son نفس في الصلاة sa صلاة elle est باطلة. si on prend قول de الأشاعرة أن الكلام c'est dans le cœur. pourquoi? لأن الله عز وجل pendant la صلاة il est interdit ماذا? de parler. c'est interdit. t'as pas le droit de parler في الصلاة. tu récites le Coran, tu fais les أذكار. أما parler avec un كلام qui n'est pas légiféré في الصلاة هذا لا يجوز. c'est حرام. sa صلاة elle est باطلة. il l'a refait. على قول الأشاعرة vu que pour eux le كلام c'est dans le cœur c'est-à-dire que si tu es dans la salat et tu penses à quelque chose ça arrive ta salat elle est batila là c'est comme si tu as parlé et le Nabi صلى الله عليه وسلم il a démontré que la salat elle est batila bil kalam et هذا كذلك لا احد يقول به قال لان الكلام يبطل الصلاه وقد اتفق العلماء على ان ما يقوم بالقلب من تصديق بامور دنيويه وطلب لا يبطل الصلاه وانما يبطلها التكلم بذلك l'unanimité des savants celui pendant sa salat qui pense à quelque chose ça arrive هذا الانسان الاهم شيء يجتهد يغوص et il se concentre le plus possible لكن ça arrive tu penses à quelque chose Ijma' al-ulama que ta salat elle est valide, elle n'est pas annulée. Léanna, si la salat elle sera annulée dès que tu penses à quelque chose, fakathir minan nas, leur salat elle ne serait pas acceptée. Mashaqqa, ça serait trop difficile. Fa min rahmatillah azza wa jalla, la salat elle est acceptée. Lakin, le musulman il fait des efforts. Ce qu'on appelle al-khushu'. Qala, fa'ulima ittifaq al-muslimin ala anna hada laysa bikalam. Si tu as compris hada, si l'unanimité des savants ils disent que la salat elle est acceptée si tu penses à quelque chose, ça veut dire que cette pensée, c'est pas un kalam. Ça veut dire que l'unanimité des savants, que ce qu'il y a dans le cœur, ça s'appelle pas kalam. Et kadhalik, si tu rajoutes le premier rad, ou le rad précédent qu'on avait vu, an al-arab, et ils appellent pas hada kalam, bah, t'as l'unanimité des savants, l'unanimité des ahl al-lugha, le mas'ala al wadiha. Sixièmement, قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم متفق عليه عن أبي هريرة. استدلال قوي. هذا استدلال قوي لماذا؟ لأنه il est fondé sur un hadith. الحجة بالحديث elle est أقوى. أما vous avez remarqué que plusieurs des redoutes précédents c'était des choses avec la raison. Et c'était des redoutes قوية. Tu peux répliquer بهذا. لكن هذا الرد il est أقوى. Et enfin, pourquoi? Parce qu'il est fondé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma shahid min al-hadith. Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'lam aw tatakallam. Muttafaqun alayhi. Faddal. Ma fahimta al-hadith. Inna Allah tajawaza an ummati. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend pas en compte ma haddathat bihi anfusuha. Ce que khawatir, ce que t'as dans ton cœur, ahiyanan, on a des pensées. Imma waswas, imma shay. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te prend pas en compte tant que tu n'appliques pas ou tu ne parles pas. Donc, fait le haqiqa, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, bel Allah azza wa jal, il y a un fork bien à mada wa mada. Ce qui est dans le cœur, c'est le kalam. Donc, ce n'est pas pareil. Amma hum, ils disent non, ce qui est dans le cœur, c'est le kalam. Alors que, hatta fil hukm, est-ce que tu es pris en compte quand tu penses quelque chose de mauvais, est-ce que tu es pris en compte là? Inna Allah tajawaza an ummati. Si tu parles un matalan wahid dit une mauvaise chose, il est pris en compte. Le malaïka, il note. Et il est pris en compte. Si c'est un dhum, c'est un dhum. Lakin, s'il pense à quelque chose, fayasta'id billah min ash-shaytan ar-rajim, il n'est pas pris en compte. Et ça montre l'importance de ne pas dire tout ce que tu penses. Khasatan sous l'effet de la colère. L'insan yamsik nafsa. Et si tu penses à des choses mauvaises ou tu as des doutes, ne parle pas ahiyan. Tatabbat. Regarde, cherche. Hatta tandur, est-ce que ce que tu penses c'est haq amla? Et tant que tu gardes cette chose en toi-même, tu n'es pas pris en compte. Et ça, c'est min rahmatillahi azza wa jal ala al-ibad. Qala fa farraqa bayna hadith an-nafs wa bayna al-kalam wal murad hatta yantiqu bil-lisan bi-ittifaq al-ulama. L'unanimité des savants, anna tu es pris en compte quand tu prononces cette chose. Fa ulima anna hadha huwa al-kalam fi al-lugha. Donc al-kalam fi al-lugha, c'est prononcer, c'est un son avec des lettres, c'est ça le kalam. لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. انظر شرح الطحاوية. هذه الردود طيبة. في الحقيقة الشارع توسع قليلا pour un débutant ربما هذا التوسع ces détails ça peut être compliqué certains points. لكن الحمد لله celui qui a compris فطيب celui qui n'a pas compris certains points الأمر سهل. Ça viendra inshallah تعالى dans d'autres livres. قال حفظه الله والذي يظهر والله أعلم أن مراد شيخ الإسلام رحمه الله بالبيت إنما هو الموضع الثاني لأن شيخ الإسلام قال وإذا استدل بقول وإذا استدل يقول قال الأخطل. Donc est-ce que شيخ الإسلام visait la parole de l'akhtal par rapport à l'istiwa ou par rapport au Coran? الشارح يقول الله أعلم visait la deuxième, أي quand l'akhtal il a parlé du kalam. Et l'amr ça, l'essentiel c'est de comprendre que l'istidlal il est batil, que ce soit le premier ou le deuxième. وأما الموضع الأول فكثير من أهل العلم ينسبونه إلى مبهم فيقولون قال الشاعر. نعم. كثير من أهل العلم le premier disent que c'est pas l'akhtal. Ils disent un homme, un poète il a dit. أما le deuxième ils disent c'est l'akhtal. فالله أعلم المقصود c'était le deuxième. حتى قال ابن القيم رحمه الله لا يدرى من قائله أو من قائله أي le premier vers qu'on avait lu. انظر مختصر الصواعق وعقيدة أهل السنة أن كلام الله بحرف وصوت. يفني conclu هذا الباب pour te démontrer أن la voix des salaf, la croyance des salaf في باب الكلام أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف والصوت. فالله سبحانه وتعالى il a parlé à Moussa. Enfin, c'est pour ça qu'il va citer le verset. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. وناديناه النداء c'est بصوت مرتفع. C'est ça le nida. Quand tu lances un appel. Enfin, Moussa, il a entendu cet appel. Ça montre que Kalam Allah, c'est bisaut. Ça ne serait pas bisaut, Moussa, il ne l'aurait pas entendu. Kadhalik, quand Moussa, il a parlé avec Allah Azzawajal, ou Allah, il a parlé avec Moussa, Moussa, il comprenait le Kalam. C'est un Kalam avec un son et des lettres. Et tu as l'exemple du Qur'an. Le Qur'an, c'est min Kalam Ilahi Azzawajal, et c'est des lettres en langue arabe. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est des lettres en arabe et c'est un kalam mafhoum bi lughat al-arab. Tastafid min hadha an al-ash'ira pour eux, le Coran en langue arabe, hadha c'est pas la parole d'Allah Azza wa Jalla. C'est une chose, une créature qui montre la parole d'Allah qui fi dhati. C'est ça qu'ils disent hum, ayyadan billah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit هذا لموسى قصة في سورة طه معروفة أن الله quand il a parlé à Moussa il lui a dit إنني أنا الله. ça montre ce verset أن الكلام c'est من صفة الله عز وجل. qui c'est qui nous démontre هذا à partir du verset et que c'est pas une créature. عندما تفضل أين في الآية est-ce qu'une créature elle peut dire innani anallah? Là. Ceux qui disent que al-ash'ira al-jahmiyya al-mu'tazila ils disent que la parole que Moussa il a entendu c'est Allah qui a créé une créature et la créature elle a parlé. Pourquoi? Le son et les lettres pour eux tu peux pas dire que ça fait partie de l'attribut d'Allah. On leur répond nous est-ce qu'une créature elle peut dire innani anallah? C'est moi Allah azza wa jal. Là, c'est du shirk, c'est du kufr. فإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ça montre que c'est la parole d'Allah et Moussa il a entendu ce son et il a compris son kalam. وقال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. كذلك il a cité ce verset أن الله il a parlé à Isa. إذ قال الله يا عيسى نداء يا النداء c'est avec un son يا عيسى عيسى il a entendu ce kalam. إني متوفيك ورافعك إلي والله تعالى أعلم. هذا الباب مهم لنحن نستفيد من هذا أن في العقيدة وفي غيرها on donne de l'importance au texte au Coran et à la Sunna, on donne de l'importance au ilm. Ne fais pas comme ils font certains, tu te suffis de suivre ou du à peu près, tu donnes pas de l'importance au ilm. Là Allah subhanahu wa ta'ala akramak et t'as de la qudra, t'as de la capacité, tu peux lire, tu peux rechercher, tu peux demander, fais des efforts fil ilm. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Enfin, on fait des efforts. فلا نرضى بالتقليد ou les gens ils ont dit là. On doit ça a poussé les gens où à la sha'ira مثلاً. Anahum ils donnent plus d'importance au texte. Et on répète, si tu veux comprendre ces textes, donne de l'importance كذلك aux savants de la sunna. Les anciens qui sont morts, leurs ouvrages. Et كذلك les vivants donnent de l'importance. Les annas, c'est eux qui ont compris ces textes mieux que nous. Ah là, tu fais des efforts et tu cherches le haq. Et celui qui est sincère, qui fait des efforts, son but c'est le haq. Tout ça, bien sûr, avec le du'a, bi'idnillah azza wa jalla yuwaffaq. Amma celui qui est pas objectif, il suit ses passions. Face à l'heure des divergences, quand tu as une divergence, les passions, il prend le qawl qui l'intéresse pour pas froisser un tel. Ah là, fil ghalib la yuwaffaq. Même si tu vois que sur cette mas'ala, il a raison, ou il pense avoir raison, yubtala. لأن الله عز وجل أمر الجميع بالاتباع. Tous, on est concernés. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تأملوا هذه الآية. أن الله عز وجل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Il a cité الطاعة. وفي أولي الأمر il a pas cité الطاعة. Et Oulou l'Amr, comme a dit Ibn Kathir, c'est les gouverneurs et les savants. C'est ça Oulou l'Amr. On les suit par rapport au texte. Ça te montre que tu donnes l'importance au texte. Si tu donnes l'importance au texte, tu donneras de l'importance à l'obéissance au gouverneur et aux savants. Tout ça sans taqlid bi'idnillahi a'azza wa jalla. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq lil-jami'a. Naktafi bi-hadha al-qadr.